une convention avec Dominique. Ah, papier français, c'est tout nouveau, ça vient sortir, bien le bonjour. Moi, c'est Teresa, LDT, le 10 juillet 2020, soyez les bienvenus. Radio Arc-en-Ciel, nous allons faire un tour vers les nouveautés lusophones et pas seulement puisque nous avons commencé avec un des plus grands de la scène française, n'oubliez pas Dominica. En ce moment, fait l'actualité, ce sont les tendanciels. Sûr, car nous émettons en ce moment en direct à partir des studios de Radio Arc-en-Ciel 96.2. Vous pouvez surfer aussi sur internet et nous retrouver. Voilà, donc nous allons passer un moment ensemble, environ 2 heures, ce n'est pas rien quand même. Ce sont nos love stories de la semaine. Programme bien chargé, donc surtout restez, vous n'allez pas le regretter. J'ai envie de dire d'une façon très populaire, comment ? Bien sûr que oui, ce sont les vacances et nous avons presque d'ailleurs, pour certains en tout cas, arrêté totalement de travailler. Ce sont les vacances et pendant les vacances, on en profite. On profite du beau temps, on profite de l'été et que sais-je encore ? Partiste, tudo na vida tem fim. Sempre disse cá para mim que isto ia acontecer. Partiste, mas a culpa não foi minha. Foi da vida que caminha muito depressa a correr. Partiste, foi-se o amor, veio a amizade e esta nova realidade não quiseste compreender. Agora prefiro ser a ternura que estando só é mais pura, que estando triste não chora. Sem ti é mais fácil de eu saber que a vida está por viver e que ainda não morri. Partiste para longe da minha vista. Pode ser que assim resista à tentação de te ver. Partiste, continua sempre em frente, mas não voltes de repente. Que te vais arrepender. Partiste, por favor, não voltes mais, mas não digas onde vais, se não queres que eu fale a ti. Ai, agora prefiro ser a ternura Vous trompez surtout pas, c'est Diana Villarino. Diana Villarino, on en avait parlé. En a cappella. Imelda May. Surtout, je vous demande indulgence hein, pour les tout petits problèmes de réglage. Ce n'est que le début de l'émission. Thank you. toujours un pauvre, détaché de tout, sans pleurer de rien, sans rire de tout, comme un enfant qui repose dans la vérité des choses, s'écarter de tout, sortir, se tenir debout, comme un enfant sort du ventre et hurle, s'écarter de tout, un jour être pauvre, détaché du reste. De l'autre côté du mur, pas le moindre geste, pas la moindre trace de haine, pas la moindre trace de ferrure, trace de brûlure, le moindre sentiment d'oubli. De l'autre côté du mur, pas la moindre trace de ferrure, pour vous laisser avec Manto de Agua, con Anamora, Anamora Yagi, c'est une merveilleuse chanson. Oh, yo sens, parece que vida passou por nós, deixando manto de água na minha voz. Olha só para nós, eu andava atrás do sonho que não ouvia a tua voz. a chamar por mim e a dizer que se começa também pode ter um final. Podes dizer que eu não vi, mas agora sei que o sonho não é sonho sem ti. De que serve uma lição se não passar hoje? Serve uma canção se ninguém sequer ouve. Yeah. Então tu olhas só. Parece que a vida passou, passou por nós, deixando um manto de água na minha voz. E agora canto para ela nunca se tocar. Eu nem sequer ligar à minha fonte de inspiração, que és tu. E eu tive uma visão que por este andar só me vai trazer 100 anos de solidão. E de que serve uma lição se não passar hoje? Yeah. De que serve uma canção se ninguém sequer ouve? Ça, c'est un amour, une des plus belles voix, en tout cas, actuellement au niveau du fado. Alors, l'émission, elle va tourner, bien sûr, au niveau autour de fado aussi, car les commémorations à Marley Rodriguez au Portugal, 23 juillet, le 100 centenaire, bien sûr, surtout au Fréjon, voilà, un grand événement au lieu, nous en parlions la semaine dernière, le vendredi dernier. Nous sommes le 10 juillet aujourd'hui 2020, c'est l'émission L'air du temps, nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Un 10 juillet en 1871 naissait l'écrivain français Marcel Proust qui en bouche de temps perdido en portugais, hein, à la recherche des temps perdus, ou poète portugais, donc le poète portugais Eugénio de Andrade, en 2001, un 10 juillet, recevait le prix Camões. En 2016, un 10 juillet, le Portugal était sacré champion d'Europe de football pour la première fois dans l'histoire. C'était en 2016, c'était il n'y a pas longtemps. Ils ont battu la France 1-0, souvenez-vous. Alors en 2016 aussi, Sara Moreira, l'athlète portugaise, qui a, c'était la médaille d'or pour elle, nos meilleures maratonas dos europeus. Toute la femme du boulanger qui fermait sa boutique le mardi pour aller. La femme du notaire qui était une sainte.

débuter cet après-midi, et bien sûr avec un kiki de la poésie, tout simplement. Aujourd'hui, le kiki Eugène d'Andrade, un très grand du côté lusophone. Un grand écrivain portugais, tout simplement. José Fontinhas est né en 1923, à Fondon, très exactement. Il nous quittait en 2005, c'est pas si lointain que ça. Il vivait à Porto et il est considéré par de nombreux critiques et spécialistes comme l'un des poètes majeurs de la langue portugaise. Alors, le poète de la transparence, de la lumière, de l'ambiguïté, des sentiments. Voilà, on trouve beaucoup de choses sur Eugène d'Andrade et notamment des traductions en français. Hein. C'est lui qui disait « La mort n'a pas de prise quand on tient le soleil endormi dans ses bras ». Poète et journaliste Eugénio de Andrade est dans le monde portugais le compagnon et l'égal de Fernando Pessoa, Herberto Helder. Il est l'un des poètes les plus importants et les plus originaux de l'après-guerre au Portugal. Un homme secret, sévère même, dit-on, il aurait été l'homme de la lutte fondamentale contre l'obscurantisme de l'oubli. Il a été un auteur très très important, publiant des dizaines de livres et abordant tous les genres littéraires jusqu'à l'écriture de beaux contes pour enfants. Mais c'est en son œuvre abondante, œuvre poétique qui va lui assurer une renommée qui va dépasser, comme on le disait tout à l'heure, elle va dépasser largement les frontières du Portugal. Il aura été un écrivain majeur donc du XXe siècle, parmi les plus populaires aussi. Il a traduit la poésie de Sapho, Frederico Garcia Lorca et Yanis Rizzo en portugais. Donc un très grand traducteur, qu'on se le dise. On commence toujours comme ça petit. Pourtant lui c'est bien particulier. Hein, et on va voir un petit peu plus. Restez avec nous, 96.2, c'est Radio Arc-en-Ciel. Son écriture, on disait qu'elle est tendue vers la rigueur des mots, des syllabes, du silence, est aussi traversée par des élans de soleil, de la peau, la poésie, matière solaire. Ah, Eugène d'Andrade, c'est l'importance capitale des mots. Les mots sont notre condamnation. Vous aimez les mots, vous haïssez aussi les mots et la dérision suprême. On aime et on déteste avec les mêmes mots. Il écrit dans la solitude et la recherche exacte du mot, car pour lui, le réel, c'est le mot. Le processus de création n'est pas transparent chez moi. Parfois, quelque chose en moi, un rythme, un clapotis des syllabes, des images, m'amène à réfléchir à cette proposition. Cette partie de moi, que je ne reconnaissais pas, est une nécessité de l'esprit qui cherche à prendre soudainement l'expression dans mes poèmes. Donc, je cherche à prendre soudainement expression dans mes poèmes. N'hésitez surtout pas à chercher des poèmes d'Eugène et Andrade. On passe vraiment un merveilleux moment. Ils font beaucoup de bien. Et Eugène et Andrade va débusquer des mots ignorés qu'il dévoile syllabe par syllabe. Il aura voulu faire de du mot la demeure du silence. Fait d'un mot une barque, c'est là tout mon travail, disait-il dans Le poids de l'ombre. Dans ses poèmes tendus comme des prophéties grecques, jetés au ciel passent des repères constants. La bouche, le soleil, le cheval, le chat, la poussière du soleil qui pose sur les yeux, les cheveux, oiseaux frères des anges, le désir, les corps, les enfants désirables, le goût de la peau, la lumière mouillée de désir, le sourire. La mer tout entière, les arbres, les pierres et toujours la musique. Eugenio de Andrade est un poète païen, solaire et sensuel. La figuration de l'homme, non seulement du moi individuel, mais faisant aussi partie d'un collectif, est au centre du poème. La conception très virgilienne de l'homme avec la nature, l'harmonie du monde et des éléments sont au centre de ses préoccupations. Le soleil éclaire violemment ses mots. J'ai plongé dans le soleil mes doigts tout entiers. Voilà, c'est une de ses phrases. Mais une grande part d'ombre est aussi présente. La ville tentaculaire, la présence de l'oppression, les conflits, son refus du profit et de l'usure de la vie, et surtout la mort omniprésente. Et aussi la présence du mal. Le mal est l'absence de l'homme dans l'homme, dit-il. Le temps et son écoulement, l'espace aussi, sont aussi essentiels dans la poésie de Eugenio d'Andrade. Il est obsédé par le fait que le temps et l'homme sont inséparables et que les âges de l'homme et des saisons convergent. L'évocation de l'enfance où l'on note la présence de la mère et la connexion avec des éléments naturels et centrales, il se met à l'écoute des lieux, des choses où souffle l'esprit de la terre. Voilà, ce sont des mots à lui aussi. Donc ces mots, la présence de thèmes de l'érotisme, de la nature, peut se deviner donc dans la plupart des poèmes, donc de ces poèmes, des poèmes de Eugenio d'Andrade, donc des poèmes de matière solaire avec la présence inquiétante du berger, sorte de tentateur étrange. C'est ainsi qu'on peut encore dire que Eugenio d'Andrade portait son regard vers l'intérieur des choses et des êtres. Et c'est souvent dans les yeux des animaux, les chats surtout, qu'il aima passionnément, qu'il cherchait en essence pure de la poésie. Cette innocence, cette beauté superbe de l'éphémère. Et aussi lui, le solitaire taciturne, se souvenait des émois de son enfance, de son combat avec l'écriture, de ses plongées de désespoir. Je n'aime même pas écrire. Il m'arrive parfois d'être tellement désespérée que je me cherche refuge dans le rôle de celui qui se cache pour pleurer. Et la chose étrange est que ma détresse surgisse de ma détresse, donc surgissent les mots de réconciliation profonde avec la vie. Donc la grande beauté de ces poèmes est due à l'équilibre délicat, minutieusement forgé du son dans ces mots, de la musique qui irrigue ces vers. Donc tout ceci, c'est difficilement restitué dans les traductions, mais elles sont très très soigneuses, il en existe, surtout en français. Thank you. Eugène d'Andrade pour notre grand plaisir, car il a aussi, je disais, bon, c'est lui qui a écrit, d'abord c'est lui qui a écrit « La mort seule est immortelle ». Ça laisse à réfléchir. C'est vrai que c'est joli, « La mort seule est immortelle ». Alors, il a travaillé, lui, comme inspecteur pour le ministère de la Santé à Porto de 1950 à 1983. Eugène d'Andrade, on va sortir un petit peu de sa poésie, de son écriture pour entrer dans ce qu'il a fait dans sa vie. Beaucoup d'autres choses, car il a été obscur inspecteur administratif du ministère de la Santé pendant 35 ans. Et ça, c'est étonnant. Et malgré son immense prestige international, il a vécu éloigné de la vie mondaine et a justifié ses apparitions par le fait de cette débilité du cœur qui est l'amitié. Une débilité du cœur. Pourtant, il comptait parmi les nombreux amis de Marguerite Yourcenar, qui le fit connaître en France, par exemple. Et durant les 15 dernières années de sa vie, il a vécu presque reclus dans un appartement au sein de la Fondation Eugène de Andrade, qui porte son nom depuis 1992, donc il y a bien plus de 20 ans. Et ce lieu, cette Fondation Eugène d'Andrade, accueille actuellement plusieurs événements et séminaires en honneur du travail de ce poète, considéré donc comme un des plus importants de la littérature portugaise du XXe siècle. Il reçut de son vivant d'innombrables distinctions, parmi lesquelles le prix de l'Association internationale des critiques littéraires en 1986, le grand prix de la poésie Association portugaise des écrivains en 1989 et le prix Camões en 2001. Eh bien, voilà, il nous quittait en 2005, mais il avait 82 ans, il est toujours resté avec nous, car sa poésie, voilà, elle est vraiment merveilleuse. Bien sûr, au moment où on essaie de lire, on essaie, c'est très facile, on adore lire, je sais que, d'ailleurs vous n'attendez que ça, hein, un petit moment où on peut se réfugier dans la lecture, et la lecture ça peut être tellement varié. Là, dans l'anthologie traduite par le portugais Michel Chandaigne d'ailleurs, j'apporte la mer entière dans ma tête, de cette façon qu'ont les jeunes femmes d'allaiter leurs enfants, ce qui ne me laisse pas dormir. Ce n'est pas le bouillonnement de ces vagues, ce sont ces voix qui, sanglantes, se lèvent de la rue pour tomber à nouveau et en se traînant viennent mourir à ma porte. J'entends courir la nuit par les sillons du visage, on dirait qu'elle m'appelle, que soudain elle me caresse, moi, qui ne sais même pas encore comment assembler les syllabes du silence et sur elle m'endormir. Voilà, c'est un extrait de sa poésie. J'espère que vous allez continuer, car ça vaut vraiment, vraiment la peine. Eh bien voilà, hein, du côté du Portugal, on a prévu du très beau temps. Hein, ça, j'espère, je ne sais pas si vous êtes en vacances déjà et vous nous écoutez, si vous préparez des vacances. En tout cas, les températures devraient continuer la semaine entre 30 et 35 degrés. C'est quand même pas mal hein, dans tout le territoire. Voilà, on a du beau temps, un très très bon temps avec les températures au maximum jusqu'à 35. Voilà, ça, que ce soit du nord dans le centre. Hein. Alors forcément, on ne va pas parler du sud car dans le sud du Portugal, au Algarve, il fait toujours beau. Alors oui, quelques conseils quand même, voilà, quelques conseils de bien-être, pourquoi pas, c'est ça, c'est le bienvenu, parce que après l'effort, on dit c'est le réconfort, et pourtant, il nous en faut, hein. il nous faut en tout cas faire des efforts, hein. Nous allons faire tout ce qu'il tout notre possible. D'abord parce que nous sommes dans une période où on nous conseille certains gestes barrières. Ces gestes, ils sont très très faciles à respecter. Hein. Nous prenons soin de de garder une distance, parce que même si nous sommes pas malades, nous pouvons apporter des microbes, et en ce moment on ne sait jamais, c'est rassurant. Donc on a un masque, si on porte un masque pour s'approcher, on se lave régulièrement les mains, ça évite le développement trop près de la bouche, voilà, quand on manipule des objets, etc. Donc c'est le minimum, hein, on vous le dit, car il y a aussi, pour notre bien-être physique et mental au quotidien, boire beaucoup d'eau. L'eau chaude avec du citron par exemple ou du gingembre, les infusions de plantes, pensez-y, au lieu de, voilà, ça on privilégie à la place du thé ou du café, encore que hein, une petite pause café, ça c'est bien agréable. Manger des légumes, des fruits frais, éviter donc les conservés, les plats préparés et surgelés, car en ce moment c'est vrai qu'on aurait plutôt tendance à le faire, c'est dans cette période un petit peu spéciale, on va le dire, de déconfinement. Voilà, ça demande plus de travail, mais les légumes et fruits frais pour enrichir nutritivement notre alimentation, marcher, utiliser les escaliers au lieu de l'ascenseur, voilà. Ah, ça, c'est bien pour détoxifier notre système lymphatique, sursauter, se relaxer un instant, faire des micro-pauses, ralentir quelques moments la respiration, les pas, les gestes, surtout écouter notre corps, écouter la sagesse du corps, qui sait ce qui est juste hein, pour chacun de nous, prendre des temps intérioriser, on va dire, intériorisation, s'observer, méditer, c'est très bon. Sourire devant le miroir, faites le sourire le plus large possible, exagérez, activez 10 fois vos muscles, et ben voilà, on va stimuler positivement notre cerveau. Alors oui, qui d'autre que moi vous le dirait ? Eh bien si, je vais quand même vous le dire, car poser l'attention sur ce qui connecte et non ce qui sépare, donc s'allier à la nature, être le plus possible en contact avec le sol, la terre, sentir le lien d'interdépendance entre tous les êtres vivants, consommer avec modération les médias et la télévision... Se limiter aux informations essentielles, mais ceci c'est simplement pendant les vacances, hein, parce que là nous sommes en vacances, alors on se fait des petits rappels, car nous sommes déjà tous comme ça, hein. C'est notre style de vie, hein. On se trouve des sources nourrissantes pour l'esprit, et le fait de bombarder constamment l'esprit d'images, de sons, d'informations peut perturber notre système nerveux, renforcer l'agitation mental. Alors voilà, une vidéo géniale, une vidéo très inspirante, c'est très très bien. Donc on va bien choisir ce que l'on regarde, ce que l'on écoute. On va vivre dans un environnement porteur, un environnement en accord avec nos valeurs. On va se relier à nos amis, on va partager, on va rire, on va célébrer ensemble. Et comme l'a exprimé Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Il ruba cuori, gli occhi neri da insolente. Gigi, Gigi, sei tu laggiù nel buio. Aspetta, lascia che ti guardi. Ma tu piangi Gigi. Non t'è mica andata troppo bene laggiù, eh? Ma allora? E allora che cosa capiscono questi americani a parte il rock e il twist, eh? Ma Gigi, ma che ti credevi? Diventare così Gigi l'americano? Invece no, tu sei Giuseppe, Fabrizio, Luca, Santini e sei napoletano. Ascolta, Giorgio si è messo alla chitarra. Aspetta, c'è anche Sandro. Ma, mamma, non puoi andartene così. Qui tu sei di casa. Sei nella tua terra. Sei il re. Li senti Gigi? Ci sono tutti. Devono averti riconosciuto alla stazione. Canta Gigi, canta il pubblico, canta per loro, canta per me che non ho mai saputo parlarti d'amore. Dai, canta, bravo, bravo Gigi. Ça rappelle des souvenirs, et puis nous sommes en période de vacances, et puis l'Italie, les Napolitains, tout ça, tout ça. Ah, j'adore la ville de Rome. C'est peut-être une de mes villes préférées. Rome, j'adore. Ah, Venise, c'est pas mal aussi, mais alors Rome, ah là là là là. Dominica, vous vous souvenez, nous avons commencé avec les papiers froissés. Eh bien, Dominica, qui est de retour avec un EP de 4 titres, Le silence ou tout. Donc c'est disponible à partir d'aujourd'hui, le 10 juillet. C'est disponible en digital, minimal mais maximal. Dominica, il se met à nu avec un titre donc radical à la métaphore simple, et ce sont nos poils qui stressent et le cœur concassé. Nous sommes des papiers froissés, des gosses avec le cœur pilé qui joue entrelacé, blessés quand il s'échoue à se rire, à se faire rire. Ah, je vous le laisse. À se faire rire. Regard oblique, bras entravés. À quoi bon les soupirs, cette manie de ressasser, c'est un de nos petits plaisirs, une façon de se défroisser. Des arbres Le silence où tout comme annule, Provinois livre quatre morceaux de sa vie étrange. Donc ça, c'est un livre qui vient de sortir aussi. Dominica se raconte un enchantement. Donc en plein confinement, donc ce chanteur majuscule qui nous invitait à éprouver les vertus de l'attente et de la patience en livrant une version poignante de l'éclaircie de Marc Sberg quelques mois après la mort tragique donc de son chanteur Philippe Pascal. Pour autant, on s'attendait pas au retour discographique estival de Dominique A avec un EP de quatre chansons inédites rassemblées sous un titre en résonance avec le printemps confiné, donc Le silence ou tout comme, un livre d'entretien de Dominique, donc Dominica avec Grégoire Laville est toujours disponible donc dans toutes les bonnes librairies. Donc Les Papiers Froissés, c'est le nouveau titre de Dominique, disponible dès aujourd'hui. Voilà, donc un extrait du EP Le silence ou tout comme, c'est sur toutes les plateformes à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui 10 juillet, nous sommes en 2020, hein, c'est bien ça. C'est l'émission LDT, c'est l'émission L'Heure du Temps, entre à partir de 14h jusqu'à 16h. Donc ce sont les émissions du vendredi en début d'après-midi. Nous arrivons presque à le week-end, hein, c'est la fin de la semaine, et nous aurons après une émission de Schubert avec Manu, et après ce sera Mavrika, donc deux émissions live à partir des studios Radio Arc-en-Ciel. Thank you. coule des pains, c'est de la rose mix pour se reposer un petit peu en milieu d'après-midi comme ça déjà. Ok, oui, le temps passe vite. Hein. Eh bien, moi, c'est Teresa, je suis avec vous jusqu'à 16h. C'est l'émission L'air du temps, LDT. Et on disait, on allait tourner autour de cinéma aussi, fado, cinéma, nouveauté, tout simplement. Alors oui, parce qu'il y a des projets de cinéma au Portugal. Et on sait surtout que ça, c'est une bonne nouvelle, parce qu'on a dit, c'est très très difficile pour les artistes aujourd'hui, mais pas seulement pour les artistes, mais beaucoup d'entre nous avons dû arrêter beaucoup de nos activités, et c'est le cas pour les activités qui peuvent entrer un petit peu dans le domaine du loisir, des loisirs, ou qui sont considérées comme du domaine des loisirs. Alors, non seulement c'est tout ce qui nous reste finalement, parce qu'on peut peut-être encore nourrir notre esprit avec l'artistique, avec l'art. D'un autre côté, les artistes, ils ont beaucoup, beaucoup de mal à déjà habituellement à souvenir à leurs besoins, dirait-on, à vivre de leur art. Et là, c'est de plus en plus difficile puisque ce sont, on disait, il allait falloir. Aller à la rencontre du public, car l'art, on va dire que ça se vulgarise, on a une accessibilité peut-être en relation à il y a une vingtaine d'années, nous allons vers une démocratisation de tout ceci grâce aux médias. D'un autre côté, c'est vrai que pour les artistes, c'est difficile. Un disque qui se vendait il y a 20 ans, on parlait de vente, hein, de disques. Aujourd'hui, c'est des téléchargements, c'est très très facile, etc., etc. Et puis la rencontre alors avec le public, là où ça demande vraiment, on se dit, on transpire. Hein, ce sont des efforts, c'est très très physique. Et aujourd'hui, nous sommes dans une période où cela est très très difficile. On parle Covid-19, c'est pas possible de passer à côté. Nous sommes quand même dans une phase de déconfinement, donc où on peut quand même aller vers le public, mais les moyens financiers, il faut les trouver. Et alors, des projets cinématographiques au Portugal. Le portugais Miguel Gomes, alors vous avez entendu parler de Miguel Gomes avec cette fameuse sortie en France, Mille et une nuits merveilleuses, c'était lui. Alors, la luso-française, donc ils vont recevoir respectivement une aide de 300 000 et 180 000 euros d'appui financier. Alors c'est le fonds Eolimage qui a été créé par le Conseil d'Europe, et on nous a annoncé ça le 6 juillet pour les aider à continuer, à nous régaler avec leurs belles œuvres. Alors Selvageria est un nouveau film de Miguel Gomes avec producteur Son e Fúria, une coproduction française, brésilienne, chinoise et grecque qui a été interrompue donc à cause du Covid-19. Donc c'est un film d'une adaptation libre de l'œuvre littéraire brésilienne Os Sertões. Et on va entendre au cours de l'émission donc ces deux grands noms, Miguel Gomes, et là on va rester avec Esther Alves Meira qui nous parlera aussi de son travail, du travail qui pour certains d'entre nous est déjà connu. Alors, ensuite, on aura une autre tendancielle au niveau du cinéma. Parce que ça, c'est une estreia nationale, on parle de Sourdine. Donc, c'est un nouveau film, une avant-première, donc, qui a déjà lieu. C'est un nouveau film. Et ce film, il a une bande sonore. C'est un guitariste très, très connu. Donc, Rodrigo Reyes, que c'est aujourd'hui le 10 juillet qu'il cette bande son est lancée. Je crois qu'il y aura même un concert, je crois que c'est du côté de Guimarães, et c'est Tó Trips qui édite un album avec le nom du film Sourdine. Voilà, on va parler de tout ça, restez avec nous. Nous avons encore plein de choses à nous dire. C'est parti pour la rencontre avec Christel Hofmeijers. Je suis Christel Alves-Mera, réalisatrice de Invisible Héroï, qui veut dire l'invisible héros en français. Christel, on a été très séduit dans le film par l'évolution narrative. Qui nous semblait, tu nous diras si c'est correct, partir d'un truc très documentaire pour arriver à la fin du film à une fiction complètement échevelée. Du coup, ma première question, ce serait qu'est-ce qui entre les deux est venu en premier et quel a été le premier désir autour du film ? Le premier désir, c'est le documentaire, parce que c'est Duarte, c'est cette rencontre avec Duarte dans le cadre d'un casting sauvage pour mon long métrage. Et j'ai fait appel, en fait je voulais vraiment que ce soit une personne aveugle qui fasse le rôle d'un aveugle dans le long. Et j'ai rencontré pas mal de personnes, dont Duarte, et ça c'est devenu un ami. Et comme le long, les financements prenaient du temps, j'avais envie de faire un film en attendant. Et j'ai tout de suite pensé à Duarte, à un portrait sur son goût pour la littérature, sur cet homme que je trouve incroyable parce que il vit comme un moine dans une certaine austérité dans sa résidence, et dans les discussions que j'ai pu avoir avec lui, c'est un livre ouvert, il est ultra curieux, il connaît tout. Je voyais plus un handicapé. Donc à la base, c'est un portrait documentaire que je voulais faire. Et c'est lui, en fait, qui m'a un peu empêché de le faire, parce qu'il m'a dit, mais qu'est-ce que j'aime pas, je déteste les biographies, ma vie est à chier, tout le monde va s'en foutre. Pardon, je parle mal, mais voilà, en gros, on s'en moque de mon histoire. Donc ok, pour faire un film sur moi, mais à condition que tu mettes de la fiction. Et là, ça m'a donné des ailes, en fait. On t'avait reçu il y a quelques années pour ton film précédent qui s'appelait Campo de Vibores. Et je voulais savoir ce qui s'était passé pour toi depuis et comment t'en étais arrivée là. Tu viens de répondre un petit peu, mais du coup, qu'est-ce qui se passe dans ta vie hors ça, peut-être ? Eh bien, oui, après Campo de Vibores, je continue l'écriture. Je commence très activement l'écriture d'un long métrage qui va se faire donc aussi dans la même région que Campo de Vibores, qui est dans le nord-est du Portugal, le village de ma mère. Donc j'ai beaucoup écrit et puis c'est compliqué de faire un premier long, donc il y a eu des rejets de subventions, des bonnes nouvelles, des rejets, des bonnes nouvelles. Bon, ça prend du temps, donc j'ai fait Invisible Héroï tout en préparant le long, et c'est comme ça que je rencontre Duarte. Enfin, je viens de répondre à cette question. Et la bonne nouvelle du jour, c'est que depuis une semaine, je suis maintenant sûre de tourner le long l'été prochain. Ah ben voilà, on est très contents. Il y a dans le film une quête que fait le personnage Leandro, autour de Leandro, et qui nous a semblé aborder en creux une question un peu post-coloniale autour de la communauté capverdienne au Portugal, et qui résonnait un peu avec la question de la non-voyance de Duarte. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais envie de mettre en regard? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as réfléchi? Oui, en fait, ça a été le point de départ. Enfin, le premier titre du film, c'était Les Invisibles. Je voulais justement montrer les minorités à travers un homme aveugle, donc qui est une minorité, pointer les minorités de Lisbonne, notamment la minorité capverdienne, parce que le Cap-Vert, j'ai une relation un peu particulière avec ce pays. Mon premier film documentaire, c'était un film sur la musique au Cap-Vert. Voilà, j'ai beaucoup d'amis capverdiens et c'est une communauté qui est très présente à Lisbonne et qu'on voit peu et pas assez et qu'on voit pas, surtout l'été. Les touristes sont plus occupés à être sur les plages et voilà, à flâner au soleil. Et donc, oui, la toile de fond, elle est évidemment à cet endroit-là. Pointer les minorités et les mettre au premier plan. Ouais. Tu viens de parler de Lisbonne et c'est vrai que tu as une relation particulière avec le Portugal. Je crois que tu es franco-portugaise. En termes de production, en termes de désir de cinéma, comment tu envisages ta relation entre la France et le Portugal? Comment elle s'est construite, en tout cas, enfin, c'est vrai que c'est mon désir d'aller filmer au Portugal qui m'amène au cinéma, parce qu'avant j'étais metteur en scène au théâtre. Donc c'est vrai que pour moi le cinéma c'est retour aux origines, à cette double culture, parce que je suis française et portugaise, c'est vraiment la double nationalité. Donc pour l'instant le cinéma il est synonyme de ces deux couleurs, mais je sens que c'est un cycle évidemment. Ça peut changer et ça peut même s'ouvrir au monde entier, mais pour le moment oui, il y a un vrai compagnonnage entre la France et le Portugal dans tous mes films. Et pour terminer, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ton long métrage à venir? Oui, alors ça s'appelle Bruxa, ça veut dire sorcière en portugais, et c'est donc un retour d'une jeune fille dans son village au Portugal et qui va découvrir un héritage étrange et magique. Merci beaucoup. Avec un Diana Villolino, avec du fado, avec sa musique, tout simplement. Avec sa voix, elle est très très jeune, elle a commencé très très jeune, de Stack. Donc, pour Diana Villolino, aujourd'hui Noël d'été, c'est vrai qu'on commémore le centenaire de Marley Rodriguez le 23 juillet. Diana Villolino est une jeune, et voilà, avec une très jeune fadiste, elle a à peine 20 ans, et en 2008, elle avait déjà le prix de Grande Noite do Fado, la Grande Nuit du Fado, et elle a participé donc dans beaucoup d'événements. C'est une grande, très très très grande déjà. Eu tentei dobrar escolhos e descobrir o meu mundo à janela dos teus olhos. Janela divina, meus sinos deram trindade. Como recuar na sina, eu matei por fim saudades nessa janela divina. Como quelque chose de très très très nouveau, même si ça ressemble aux guitares portugaises carçonnées. C'est très très nouveau, devinez. Ce que j'ai essayé de vous faire écouter, c'était Sourdine. Sourdine, cette fameuse bande annonce, c'est aujourd'hui, ça sort aujourd'hui. Et c'est donc, on l'écoutera à Guimarães. En tout cas, si on n'a pas pu l'écouter convenablement dans l'émission LDT, cherchez, vous allez trouver. C'est moi qui dis, lorsque on cherche, on trouve, voilà. Alors, c'est aujourd'hui, donc, Estreia Nacional de Sourdine. Donc, ça, c'est un nouveau film, qui a cette bande son. Au niveau musique, on va entendre, mais on va l'entendre, ça. Totrips, il racontait à Nagencia Luz qu'il a commencé à la fin de l'année. À travailler sur cette musique. Ce guitariste qui a déjà une expérience très très grande de composition en solo pour le cinéma. Alors oui, j'aurais pu ajouter que Uta Trips, donc il est né en 1966, il a fait partie, beaucoup d'entre vous connaissez, O Jamen Sacristi et Santa Maria Gasolina do Ventre, ça a été un des fondateurs du Jlu Lublin, du Ditcombo. Ditcombo, peut-être un peu plus de succès ici. Et le Drões do Tempo, il a fait partie donc de cette bande. Le Drões do Tempo, c'est un guitariste qui a beaucoup travaillé avec d'autres musiciens, notamment Tiago Gomes, no EP Vios Desaparecer na Noite, et en torno de Pearl Estrada Fora de Jacques Kerouac, et voilà, qu'on file de main au projet Guitar Jolto. Il a édité aussi à solo l'album Guitar 66, Guitar 66 en 2010 et Guitar Macaque en 2015. Get donc on parlait aussi de ce film avec Miguel Gomes, qui est connu ici en France. On avait parlé de lui surtout avec Les Mille et Une Nuits, un film en trois parties qui avait été présenté à la quinzaine des réalisateurs en 2015. Ce réalisateur portugais qui est célébré pour son très beau Tabou et Vic aussi, on va l'écouter là où il évoque son idée folle d'adapter les célèbres contes. Il raconte son désir de fiction et l'état de la société portugaise. On va rester avec lui quelques minutes, hein, à peu près une dizaine de minutes. C'est une rencontre avec Miguel Gomes. Travailler, dit-il, la réalité avec les moyens de la fiction. Il nous dit raconter ça en 2015, très exactement. Et le voilà qui continue et qui fait l'actualité portugaise en tout cas. Bonjour, nous sommes avec Miguel Gomes pour parler des Mille et Une Nuits, présentées à la quinzaine des réalisateurs. Bonjour Miguel. Bonjour. Alors les Mille et Une Nuits, c'est trois films, c'est l'Inquiet, le Désolé et l'Enchanté. D'où est venue cette idée un peu folle de raconter une page de l'histoire récente du Portugal, de ton pays, mais par le prisme des Mille et Une Nuits? C'est trois films et un film. C'est comme... Comme s'appelle cette chose catholique, le Père, le Fils et le... Oui, c'est la Sainte Trinité. Alors, c'est comme ça, c'est un mystère, c'est en même temps une chose et oui. Trois choses en même temps. Je pensais plutôt des idées qui se rencontrent, qui apparemment n'ont pas grand-chose à voir un avec les autres, mais c'est des désirs de cinéma de fabriquer un film avec des matières différentes. Et donc j'ai eu toujours cette idée un peu folle de faire une adaptation de Mille et Une Nuits, qui c'est quelque chose de complètement impossible. Vamos lá, do princípio, de onde nascem as histórias. Os desejos e medos dos homens. E para que existem? Para nos ajudarem a sobreviver. Para ligarem o tempo dos mortos e o tempo dos que hão de vir. Mas esse desejo de raconter, de avoir um filme... où la fiction, c'est quelque chose de vital et urgent. Parce que les gens connaissent l'histoire, la personnage de Scheherazade est menacée, sa vie elle est menacée, parce que si elle raconte des histoires qui ne plaisent pas au roi, elle va perdre sa tête, le roi va lui couper la tête. Donc raconter, c'est une question de... c'est pour survivre. Et... en même temps, il y a une autre chose qui n'a rien à voir avec ça, mais qui c'est chacun de ces trois films commence avec un carton qui raconte comment les Portugais ont appauvri presque, je souligne cet mot, presque tous les Portugais sont plus pauvres maintenant, depuis que la crise financière a commencé au Portugal. Et donc, raconter des histoires sur mon pays, sur la société, je pense que le personnage principal, c'est la communauté. Et c'est pour ça que j'ai besoin de trois films, parce que un ne suffisait pas. Je me sens perseguida com esta história. Eu estava aqui sossegada na minha vida, não fiquei com ninguém, estou a ser atacada por causa do mal. Falta passo. Aceitam chá? Aceitamos tudo. Sou empregada de café de profissão e desempregada de condição. E eu era pescadora. C'est la beauté et l'ambition folle du projet, pas seulement s'intéresser à des personnages ou à des histoires, mais c'est effectivement de s'intéresser à un peuple, à un pays, et de capter l'état d'âme de tout un pays. Il y a quelque chose qui moi m'intéresse toujours en cinéma, c'est de changer de logique, de vitesse, des personnages, des récits. Et jusqu'ici, j'ai fait toujours des films avec deux parties. Mes longs métrages, il avait toujours deux parties. Parce qu'il y avait un moment toujours dans mes films où il avait la nécessité de que quelque chose d'autre vienne, un autre film. Disons. Donc il y a comme s'il y avait un premier film qui avait besoin qu'un deuxième film arrive. Et donc maintenant, il y a toutes ces histoires qui changent. Et parce que je pense qu'il n'a pas une bonne image, une seule idée pour parler de la crise. Donc quand on pense qu'on avait compris quelque chose, qu'on a une image qui s'est déjà finie, qu'on voit le tableau complètement, il y a une autre chose qui vient mettre en question ce qu'on avait vu. Nós curtimos muito o povo português. They're good people. É sangue bom. The Portuguese people are good, but they have debts to pay. We are here to give a helping hand. Do you think we'll get fired? Most probably, but who cares anyway? Yes, they don't know shit. They don't know the Portuguese people. In fact, they don't know what love is. Le paradoxe du film, c'est que toi, tu fais une super production, une sorte de péplum qui mélange effectivement toutes ces histoires pour parler de quelque chose de très contemporain. Ce qu'on pourrait appliquer à l'histoire avec des films en costume, des reconstitutions, des choses assez monumentales, toi, tu l'appliques au présent. Bon, mais de toute façon, il y a des registres très différents dans les films. Et c'est vrai qu'il y a ce côté peplum, enfin, un peplum portugais, c'est pas, c'est même pas l'italien. Mais comme c'est la fiction qui raconte la réalité, pas en faisant précisément la télévision, la reportage, mais en essayant de travailler la réalité avec les moyens de la fiction. Ça m'intéresse aussi d'avoir, des gens en costume, que c'est quelque chose d'impossible. Je ne veux pas faire semblant que cette Bagdad existe. Déjà, Bagdad, dans les films, c'est filmé à Marseille. Donc tout le monde, peuvent me demander, mais sorte d'abruti, tu sais pas que Bagdad, il n'y a pas la mer, Non, parce que la fiction, c'est de la mensonge, mais je crois que la bonne mensonge. La bonne mensonge, ça veut dire la mensonge qui se cache pas. Ça veut dire construire par quelque chose artificiel qui quand même peuvent porter une certaine vérité. Et donc, passer de ça, de cette mensonge à quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui est au chômage au Portugal et qui parle de sa situation, presque sans transition, je pense que c'était un peu le pari aussi de ce film. Oui, c'est ça dont je voulais te parler, c'est que le film, il embrasse tout, il embrasse et il englobe des choses extrêmement différentes. Il y a cette hétérogénéité encore plus grande, encore plus forte que dans tes films précédents. On a quand même un sentiment d'harmonie, voilà. C'est structuré au montage, où tu avais déjà une idée précise de l'ordre et de l'organisation des différentes histoires. Non, je savais même pas qu'est-ce que je pourrais faire la semaine suivante, et j'ai fait ça pendant 14 mois. Cette production ont été prêts à filmer, on filmait pas tous les jours bien sûr, mais ont été prêts à filmer pendant 14 mois. Donc il avait toute une équipe engagée et ont essayé avec la matière qui apparaissait, et donc ont essayé de construire la fiction, enfin d'écrire des scénarios, d'engager des acteurs, de choisir des décors et de filmer. Il avait toujours un moment, il y a toujours ça, où le producteur me dit c'est fini Miguel. J'essaye, j'insiste, mais c'est pas moi qui j'ai la carte bancaire, donc je peux rien faire. Donc c'est drôle que tu me dis ça, cette harmonie, parce que pendant les tournages, que c'était un peu angoissant à cause de ça, on savait pas qu'est-ce que ça pourrait vraiment donner. Il avait aucun contrôle sur les films, enfin sur la structure du film. Et donc c'est au fur et à mesure, petit à petit, qu'on a compris qu'est-ce que les films pourraient être. Et oui, la phase décisive, c'était le montage où, par exemple, on avait compris ça, c'est trois films. Donc ça, c'est une rencontre avec Miguel Gomes. J'en disais, on était dans l'actualité cinéma pour notre plus grand plaisir. Voilà, en ce moment, ce n'est pas, on est très très très heureux d'ailleurs, hein, de rencontre, de pouvoir l'entendre. On va aussi entendre Rodrigo Reyes. Alors, Rodrigo Reyes, c'est aujourd'hui, hein, c'est le grand jour. Aujourd'hui, c'est le jour de Surdina. Donc, on a parlé de deux grandes sorties. Au niveau musical, on a parlé de Dominique A, on adore, dans LDT, et Rodrigo Reyes avec cette bande son du film qu'on essayait d'écouter. Et voilà, ça est avec un très très grand guitariste portugais, Tetrips. Hein. valable par soi-même. Et... international de cinéma, Rodrigo Areias, que nos parla de Surdina e Arlitoso. E a ideia foi, Raul Brandão escreveu o livro há 100 anos atrás, sensivelmente, onde previa o fim das comunidades piscatórias em Portugal, pelo advento da pesca industrial, e decidiu fazer um retrato das comunidades piscatórias todas de Portugal, partindo de algo que eu tentei apropriar para a linguagem do filme, que é, por um lado, a descrição minuciosa da arte da pesca, como pescam, que peixes pescam, e depois, por outro, a maioria do seu livro é um livro de poesia, de liberdade, de descrição poética da natureza, dessa relação entre o homem e a natureza. E essa é a tentativa do filme, ao ser um documentário mais poético, ou pelo menos a tentar fazer um ensaio sobre um lugar, tendo essa premissa entre o plano fechado dos pescadores e do seu trabalho versus o lado poético de se viver num sítio tão, tão incrível como é a Ribeira Quente, na Ilha de São Miguel, nos Açores, no meio do Oceano Atlântico, e esmagado pelo lado externo do vulcão das Furnas contra um oceano, não é? Eles vivem mesmo num sítio onde só há uma estrada para ir, não é? E a mesma para voltar, por isso é preciso querer mesmo ir à Ribeira Quente, não há passagem para lado nenhum, e viveram assim durante séculos isolados, e já só no meados do século XX é que passou a haver essa estrada. Por isso, o Surdina é um filme muito diferente de todos os meus filmes, por uma razão principal, que é ter sido escrito por um escritor que não é roteirista tradicionalmente, que é o Walter Huguemann, e que há 10 anos atrás nos encontramos e decidimos fazer um filme juntos. Partilhamos a coincidência da nossa origem familiar ser de Guimarães, no caso do Walter, de São Cristóvão de Selho, que é um vilarejo fora da cidade de Guimarães, que é parte onde se passa metade do filme, e eu de Guimarães, onde se passa no centro histórico da cidade, na zona medieval, onde se passa a outra metade do filme. E então, há 10 anos atrás, decidimos, o Walter decidiu escrever esse filme, partindo do seu conhecimento do território e tudo mais, em algo que também não acontece muito, porque é uma região que não tem propriamente sido retratada cinematograficamente ao longo da história do cinema. Por isso, nos últimos 100 anos não há propriamente filmes minhotos ou filmes daquela região especificamente. O filme passou já numa série de países, ganhou uma série de prémios em festivais. Em Portugal tem estreia em sala agora no próximo mês, de novembro. E é um filme que tem circulado bastante e tem corrido bastante bem. Mostra para mim é um festival com o qual eu tenho uma relação muito forte, muito antiga. Na verdade, esse ano eu passo cá a minha quinta e sexta longa-metragem, na verdade. Por isso é o sexto filme que tenho cá. Enquanto diretor e enquanto produtor, já passei dezenas de filmes na mostra enquanto produtor. Thank you. toujours dans la thématique cinéma, donc les tendancielles cette semaine cinéma. Donc il y a aussi ce grand événement au Portugal, Lady Film Fest, qui intéresse nombreux d'entre nous qui partons en vacances au Portugal, car ça se passe en été, et ce festival international de courts-métrages, Lady Film Fest, normalement il devait avoir lieu entre le 9 et le... il devrait avoir lieu avant, et en fait voilà, il a lieu là entre le 9 et le 12 juillet, et avec des sessions online quand même, en utilisant voilà, en surfant sur le net, et en présentiel quand même, et Lady in Neubatal. Donc normalement ça se passe au mois de mars, et c'est ce que je disais, là ça a été reporté, et ça se passe là au mois de juillet, entre, donc ça commence hier jusqu'au 12, et n'hésitez pas à vous renseigner, car c'est un très grand événement aussi, hein. Voilà, là c'est toujours la bande du film de Reyes, le grand qu'on vient d'entendre avec son film Surdines, qui est sorti aujourd'hui. Donc la bande son du film, c'est Tetrips, et je sais qu'ils seront aujourd'hui en concert à Guimarães, j'en croise les doigts, bonne chance. Marta Renne de Groove, So Long. Jamais entendu parler de Marta Renne, la voici avec ses Wolves, hein. Bah, là, là, ça nous vient du Portugal, ce son, avec Marta Renne, signé sur un label italien, Record Kicks, hein, spécialisé dans le deep funk. Alors Marta, là là, elle s'est imposée en quelques mois comme la nouvelle impératrice de la soul made in Europe. Ça, Forcément, cette voix, elle est unique, elle nous ramène 50 ans en arrière, risque donc de nous embarquer pour un fabuleux voyage au royaume de la musique de l'âme. Donc voilà, hein, n'hésitez surtout pas à écouter, c'est très très très bien. Alors nous continuons avec Worth It. Esconder as paixões, ser duro é seguir a direito, sem mostrar o que lhe vai no peito. E o que lhe vai no peito, e o que te vai na alma. Ser duro é ter sempre, sempre muita calma. Duro são os tempos que correm, é preciso dobrar a coragem. Cair do forte e sentir a voragem pura. Duro é perder a esperança de não ser puro, eterna dança. Duro é o mundo dos mortais, e ao fim e ao cabo somos todos iguais. Ser duro é ter convicções, esquecer o medo, esconder as paixões. Ser duro é seguir a direito, sem mostrar o que lhe vai no peito. E o que lhe vai no peito, e o que te vai na alma. Ser duro é ter sempre, sempre muita calma. Saber que o outro não é como tu. Tu estás armado, o outro está nu. Sur Chantier Pontepage, ça c'est tout nouveau aussi parce qu'il s'était retiré de la scène pour bien sûr les causes que l'on connaît tous, et ils vont reprendre, et je sais qu'ils vont reprendre dans voilà, là ça se passe là, mais j'ai pas réussi à trouver la date. Je suis absolument désolée, mais si vous cherchez, allez, de toute façon vous allez pas hésiter à nous chercher sur nos pages Facebook, la page Facebook LDT. Nous essayons de mettre régulièrement à jour les informations sur notre blog, voilà, et vous allez nous retrouver pendant la semaine avec tous ces événements qui vous intéressent, et parce que là voilà, il est presque 16h, le temps il passe très très très vite, alors il est presque 16h, oui, LDT c'est terminé pour aujourd'hui, mais nous allons nous retrouver très très très bientôt, peut-être vendredi prochain, c'est la période des vacances, voilà, donc nous essayons d'être au plus près de nous de vous, hein, ensemble, nous c'est Radio Arc-en-Ciel, en ce moment des émissions en live, dans très peu de temps, dans quelques minutes ce sera l'émission de Schubert avec Manu, et après ce sera Mavrika avec Albino. Best Youth Fatané Fanatique. À vendredi prochain, n'oubliez pas, soyez heureux. tes bras, je suis au bout du monde. Dans tes bras, rien n'existe que toi. Et le poids de mon corps qui t'écrase fait naître en nous l'extase, la mort et l'amour. Dans tes bras, j'ai l'âme vagabonde. Dans tes bras, aux flammes de ton cœur, mon bonheur me porte au bord du gouffre, de ma joie qui ne souffre que d'un trop plein d'amour. Je plane, plane et je m'enivre de te rêver, les yeux mi-clos. J'ai tant besoin de toi pour vivre, j'ai tant d'amour, la fleur de peau. Dans tes bras, quand le désir m'inonde, dans tes bras, je rêve et je frémis. Quand la nuit, tu me dis à l'oreille, ces mots qui m'émerveillent et bousculent ma vie. Dans tes bras, je m'accorde une trêve. Dans tes bras, ma vie suspend son vol. Et du sol vers une autre planète, le désir me projette, le plaisir me retient. Dans tes bras, je vis comme en un rêve. Dans tes bras, sans force et alangui, je souris entre râles et murmures. Ta chaleur me rassure, mon Dieu, que je suis bien. Heureux dans mon délire, je perds la notion du réel. Je suis entre larmes et rires, tu me fais découvrir le ciel. Dans tes bras, lorsque le jour se lève, dans tes bras, je voudrais y rester. Thank you. por vontade de Deus, que eu vivo nesta ansiedade, que todos eis são meus, que é toda a minha saudade. Foi por vontade de Deus. Que estranha forma de vida tem este meu coração. Vive esta vida perdida, quem lhe daria o condão? Que estranha forma de vida, coração independente, coração que não comanda. Vives perdido entre a gente, teimosamente somente sangrando, coração independente. Cidade e inspirou este fogo.